Psaume 68. Psaume de cantique de David, donné au maître chantre. Que Dieu se lève, et ses ennemis seront dispersés, et ceux qui le haïssent, s'enfuiront de devant lui. Tu les chasseras comme la fumée est chassée par le vent, comme la cire se fond devant le feu, ainsi les méchants périront devant Dieu. Mais les justes se réjouiront et s'égayeront devant Dieu, et tressailleront de joie. Chantez à Dieu, psalmodiez son nom, exaltez celui qui est monté sur les cieux, son nom est l'Éternel, et égayez-vous en sa présence. Il est le Père des orphelins, et le juge des veuves, Dieu est dans la demeure de sa sainteté. Dieu fait habiter en famille ceux qui étaient seuls, il délivre ceux qui étaient enchaînés, mais les reviennent demeurent en une terre déserte. Ô Dieu, quand tu sortis devant ton peuple, quand tu marchais par le désert, c'est là, la terre trembla, et les cieux répandirent leurs eaux, à cause de la présence de Dieu, ce monde Sinaï trembla à cause de la présence de Dieu, du Dieu d'Israël. Ô Dieu, tu as fait tomber une pluie abondante sur ton héritage, et quand il était là, tu l'as rétabli. Ton troupe aussi est tenue. Tu accommodes de tes biens celui qui est affligé, ô Dieu. Le Seigneur a donné de quoi parler, les messagers de bonnes nouvelles ont été une grande armée. Les rois des armées s'en sont fuis, ils s'en sont fuis, et celle qui se tenait à la maison a partagé le butin. Quand vous auriez couché entre les chenets arrangés, vous serez comme les ailes d'un colombe couvert d'argent, et dont les ailes sont comme la couleur jaune du fin or. Quand le Tout-Puissant dissipa les rois en cet héritage, il devint blanc comme la neige qui étend Salmon. La montagne de Dieu est un mont de Bazan, une montagne élevée, un mont de Bazan. Pourquoi lui insultez-vous, montagne dont le sommet est élevé? Dieu a désiré cette montagne pour y habiter, et l'Éternel y demeurera à jamais. La chevalerie de Dieu se compte par 20 000, par des milliers redoublés, le Seigneur est au milieu d'eux, c'est un Sinaï en sainteté. Tu es monté en haut, tu as mené captifs les prisonniers, tu as pris les dons pour les distribuer entre les hommes, et même entre les rebelles, afin qu'ils habitent dans le lieu de l'Éternel Dieu. Béni soit le Seigneur, qui tous les jours nous comble de ses biens. Le Dieu fort est notre délivrance, c'est là. Le Dieu fort nous est un Dieu fort pour nous délivrer, et les issues de la mort sont à l'Éternel, le Seigneur. Certainement Dieu écrasera la tête de ses ennemis, le sommet de la tête chevelue de celui qui marche dans ses lices. Le Seigneur a dit, « Je ferai retourner les miens de Bazan, je les ferai retourner du fond de la mer. Afin que ton pied et la langue de tes chiens, s'enfoncent dans le sang des ennemis, dans le sang de chacun d'eux. Ô Dieu, ils ont vu tes démarches dans le lieu saint, les démarches de mon Dieu fort, mon roi. Les chanterelles devant, ensuite les joueurs d'instruments, et au milieu les jeunes filles, jouant du tambourin. Bénissez Dieu dans les assemblées, bénissez le Seigneur, vous qui êtes de la source d'Israël. Là Benjamin le petit a dominé sur eux, les principaux de Juda ont été leur accablement de pierre, là ont dominé les principaux de Zabulon, et les principaux de Nephtali. Ton Dieu a ordonné ta force. Donne force, ô Dieu, c'est toi qui nous as fait ceci. Dans ton temple, à Jérusalem, les rois t'amèneront des présents. Quand rudement les bêtes sauvages des roseaux, l'assemblée des forterons, et les veaux des peuples, et ceux qui se montrent parés de lames d'argent. Il a dissipé les peuples qui ne demandent que la guerre. De grands seigneurs viendront d'Égypte, Chuflatra d'étendre ses mains vers Dieu. Royaume de la terre, chantez à Dieu, psalmodiez au Seigneur, c'est là. Psalmodiez à celui qui est monté dans les cieux des cieux qui sont d'ancienneté, voilà, il fait retentir de sa voix un son véhément. Attribuez la force à Dieu, sa magnificence est sur Israël, et sa force est dans les nuées, ô Dieu. Tu es redouté à cause de tes sanctuaires. Le Dieu fort d'Israël est celui qui donne la force et la puissance à son peuple. Béni soit Dieu.